vida loca, nos taons ni ta glit alors. Tout ce qui brille n'est pas d'or, comme le cœur d'un saphir ou l'œil d'un centaure. Vida loca, nos taons ni ta glit alors. Una pintura de maestro, hablé los pintados. Mira, la música me llevo de nuevo, así que me ata el cielo. Una película de miedo, cálalo. Vida se viva de música, de la bodega hasta el estudio. Escucha, primo, es en esta vida que yo te leo. Et papy, je rêve de coma, t'es vide, qu'on atterrisse en pole position. Aucune sédition, on prend des risques pour réaliser nos disques. Compilation, mixtapes en transition. On investit du temps, de l'argent, des sentiments. Hallucinant, passionné, volontaire, quand ça prend 6 à 10 ans. Esquivant les médisants, parfois en s'enlisant. Mais je me rends compte de mon amour pour la musique en me relisant. Tu vois, le strass c'est paillettes, mais dans ce milieu c'est pas net. Heureusement, Saphir et moi, on est une autre planète. Les textes plein la tête, on vit avec le cœur. Pour la zig, on s'endette. Espère l'or catalista. Pa' que llego como una cometa ilícita. Apunta la estrella del junto hasta la luna. Artista pasado de moda. Necesito agua como música. Esa es la vida loca. Vida loca, nota única, grítalo. Una pintura de maestro, hablé los pintados. Mira, la música me llevo de nuevo. Así que me ata el cielo. Una película de miedo, cálalo. Vida se viva de música. De la bodega hasta el escucha, primo, es en esta vida que yo te leo. Écoute ça. Au beau milieu de la nuit, je me lève. J'ai des rimes qui se battent au bout de mes lèvres. J'ai quitté mon lit et laissé mes draps seuls. Une dispute, non, un rendez-vous avec ma feuille. J'ai tant de choses à partager, à lui dire. Notamment que cet ancien me mène la vie dure. Beaucoup pensent que je suis fou à cause d'elle. Un silence pour exprimer une vérité plus cruelle. Au fond, peu importe si on nous comprend ou pas. Mener notre vie d'artiste et mener une vie d'aloca. Dans mes lettres, mon mal-être s'exprime en rime. Chaque artiste qui se respecte comprendra ses lignes. Une vie sans peine ne mériterait pas d'être vécue. Et yo chaque, je crois que j'ai mis le doigt dessus. Passer des nuits blanches seules pour un peu de compagnie. C'est ça l'Eldorado pour nous, amoureux des symphonies. Vida loca, nota unica, gritalo. Una pintura de maestro, hablé los pintados. Mira, la música me llevo de nuevo. Así que me ata el cielo. Una película de miedo, cálalo. Vida se viva de música. De la bodega hasta el estudio. Escucha, primo, es en esta vida que yo te leo. De la música necesito.